Un jour tu es entré dans mon âme comme un pays conquis. Il a suffi d'une petite femme pour transformer ma vie. Oui, mon cœur tenez dans ta main. Un jour tu es entré dans mon âme sans demander ton chemin. Un jour tu es entré dans mon âme en m'apportant le bonheur. Tu as suivi le sillage de ma ligne de cœur. Ce soir, je revois ton visage, mais ce n'est qu'une photo. Tu ris dans le soleil sur la plage, mais ce n'est qu'une photo. Un jour tu es sorti de ma vie, babe, comme tu étais venu. Mais ce soir j'ai la nostalgie. Amour perdu. Et si quelqu'un frappe à ma porte, je crois toujours que c'est toi. La flamme dans mon cœur n'est pas morte, mais tu ne reviens. Tu ne reviendras pas, mais tu ne reviendras pas. Oh, oh, oh, oh, non, tu ne reviendras pas. C'est l'heure.